bip bip, un arrivage de Caracas. Mon 11-43 brise ta carapace. Rapace, mani sous j'arrête sans casse. J'suis chaud comme un pays des maracas. Débile comme un AK, rapta, ratatata, tant tatata. J'fais une hagra, j'fume la patate. Tout pour l'attaque, tiki-taka pour la plata. Et à quoi? Masqué, je cuisine dans l'appart. De la zone, j'ai le starter pack. J'l'ai fini même avec une écharpe. Dans le CV full pollen jar. Wesh, que passa, Kaladin Hassa. J'viens t'arracher la tête et sous Mikasa. Wesh, j'suis bon cassa, mitraille ton mic. Viens pas gâcher la fête, là j'suis soupillable. Très organisé de ses forts. 13-0-13, c'est les quartiers nord. Et ça usait de R sur la tête à Gilbert. Tu vas rien voir venir, ça va vite l'époque. La mise c'est la crise, il faut faire avec. La mise te guette, ça sent le Cohendec. Chez nous, on évite les balances, les putes. Et vos clients ressemblent tous à Ben Affleck. À part ça, ça va, j'suis sur la costa. À part ça, Hemdou, j'suis marseillais. Pour les petits frères qui veulent s'en sortir, évite au max de se faire j'ai allumer. J'ai gratté ma pièce, ça fait trois fois que j'fais le tour. J'mets plus un pied dans la tête, j'mets plus les mains dans le four. Faut un A45S full black qui monte dans les tours. Y'a les civils qui rentrent à balle, les choppers ils montent dans les tours. J'ai beau les aimer, au final je sais qu'ils m'en veulent. Fais des trous dans les comptes, après tu diras qu'on t'engueule. J'mate la lune, j'me sens sel, sa mère la pute j'fume trop de sem. J'compte les étoiles dans le ciel, mon shit il fait des étincelles. Y'a trop de capacité. Dans mon ghetto c'est la merde, c'est un fils de pute, on va pas le citer. J'vais faire un tour, j'vais prendre l'air. Ils me font les bandidos. Mais je crois qu'ils s'y sont pris tard. Les petits grandissent, ils ont pris le réseau. Sur le champ du guitare, reste tout noir, t'es max quitté. C'est Marseille plus qu'organisé. Reste tout noir, t'es max quitté. C'est Marseille plus qu'organisé. Au quartier nord, ça s'est empiré. Ça sort les métaux, ça fait que tirer. Une balle perdue, c'est dur à esquiver. On a l'habitude du décor abîmé. En course poursuite, on ralentit pas, on fonce dans le tas. Fais pas le grossiste. T'as rien sur ton compte épargne. Prends aucun risque si tu n'assumes pas. Tu vois qu'investir mais c'est pas rentable. Pourquoi tu cliques si tu n'adhères pas? Je dors pas la nuit pour esquiver mes cauchemars. A7, quartier nord, je suis la gâchette. Voilà Marseille, toutes ses facettes. Dans le secteur, rien qu'à 3 fait place nette. Voilà d'où ça pète, ne vous affolez pas. Freestyle mythique, de là que tout part. Y'a tout Marseille, de là le coup part. Fais tourner le son, t'attaquer, saute à ton part. Tu rêves pas, c'est la folie. Dans le vie, Jack Honey. Mais on connaît plein, mais on connaît bien. Béotien, c'est la folie. Tu rêves pas, c'est la folie. Dans l'OVNI, Jack Honey. Mais on connaît bien, mais on connaît plein. Bien ou bien, c'est la folie. Majeur en l'air, sur le terre-terre. Y'avait personne quand j'avais R. Tu as 200 sur le RR. En roue arrière, sur la canebière. J'te prends ta carte rue Paradis. La fée payée, rue Saint-Fé. Ni les fées en flagrant délit. Tu connais les mecs du CV. Mais t'es sous la lune. J'me revois au beau mètre au fond de la cellule. En fumant un gros père calibré sous le pull. J'peux gâcher la fête, il faut que j't'allume. Et j'me taille à bizarre. Ça rafale à tout va, c'est Marseille au taquet. Y'a une grosse équipe sur le papier. Le J réunit tous les quartiers. Ça va se gâter, va tout éclater. J'arrive fâché, man, j'viens cracher. Va prendre le réseau, inonder le marché. Dans le sud, on fait ça facile. On reste à passif, on fait que des classiques. Fais fumer la beuh, c'est très organisé d'eux. C'est crapu le feu, le son de deux. Rageux, fais la queue, n'aime pas les SE. Tu jaloux sous balance, t'es envieux. Tout le monde est tendu, plus personne est tendre. Mais le compte rendu de janvier à décembre. Une envie d'être tendu, tu sens y descendre. Y'a des vendus qui veulent tendu, il me semble. On est tous dans la même merde. On vient tous de la même mer. Ouais, le flux c'est nécessaire. Et le coup c'est éphémère. On va tous quitter navire, il faut faire le bien agi. Ça repousse les coups en douce et aussi les destins tragiques. On va tous quitter navire, il faut faire le bien agi. Ça repousse les coups en douce et aussi les destins tragiques. Oh yo yo yo yo yo yo. Marseille. Musique ma vie, faut faire ma pessa. Marseille ma ville mieux que ma bella. Oh yo yo yo yo yo yo. Marseille. Ça se tire dessus comme dans favela. Cap d'air le sud avec ma bella. J'suis star sur le blason. Voix de gauche plein phare, coup de klaxon. Déter, c'est pas faire demi-tour quand ton crâne touche le plafond. J'achète pas de vue, j'porte que des vrais sapes. Mec des quartiers nord, les vrais savent. Autant de dignité que de ma PSA. Autant de dignité que de ma PSA. Laissez passer le mauvais garçon. Tu me dis psartek, mais j'vois que t'as le seum. Merci l'OVNI pour l'invitation. Merci l'OVNI pour l'invitation. J'ai un crapuleux dans l'âme, 300 lésions dans le crâne. Et c'est la raison de mon drame, si je ne reste pas de larmes. On a le cœur sur la main, toujours les pieds dans le bridge. Le diable nous chuchote à l'oreille, mais c'est la foi qui dirige. Switch. Et ouais, je sais que c'est compliqué aujourd'hui de finir friqué quand on a autant de galères dans le rétro. Marseille c'est miné, c'est friqué. Le quartier il faut le quitter. Respect à ceux qui sont encore dans le ghetto. Bonino. Trafic pédo dans mon ghetto. On fait chanter la guitare. Audi, Merco, y'a les Giro. Une rafale dans l'habitacle. On n'est pas des victimes, tu peux ramener ta team. Le studio est fait d'or et platine. Ce cocaïne fait pas le con, le caïd. Même le jour de l'Aïd, tu peux perdre la vie. 1-3 c'est le cartel. Sur le terrain y'a tout le quartier. Grosse équipe dans le pack M. Favori sur le papier. La prochaine fois je plonge pour cannibalise. Je mange ton cœur, je mange ton foie. Et tu crois que je blague? Je crois que j'ai pris un coup. Qu'est-ce qui va pas chez moi? À ma droite, Badri couverture. J'ai pas peur du froid. Et bien soit, avant t'étais un vaillant et maintenant tu déçois. Je préfère crever à la lime. Squatter tard et soi. Au lycée, j'avais des bolosses. J'exauçais leurs souhaits. J'ai pas attendu la drill. Pour me cagouler, pour faire voyou avec l'ancien. J'ai pas attendu qu'il ait coulé. Marseille c'est pas méchant, ça devient très chouette si t'es discret. Une mission d'intérim sur un deux roues si t'es musclé. Des mauvaises têtes dans le bendo, des disques d'or à 20 ans. Faute de grammaire, y'en a bien trop, d'or et de platine à plein temps. Bleu et blanc sur le maillot, c'est pas trop, c'est léger. En Y sur le vieux port, le Prado est méché. Y'a du LV, du Gucci, mais le polo c'est DP. C'est pour la ville, c'est pour la zone, signer les hommes et merci. Mes amis, je vois les bouquets de roses comme des sorties. Si tu vis en cité, tu peux t'en sortir. Le système a des failles, a des portes sorties. Perspicace, je suis pas téméraire. En décalage comme les fuseaux horaires. Les verres qui se cassent, c'est funéraire. Mon paradis, je le crée en enfer. Pour moi l'écriture, c'est thérapeutique. Beaucoup se soulagent avec un bout de chip. Ceux qui tombent dans la coque et dans l'héros. Puis une époque où Dieu c'est l'euro. Je n'ai plus le time pour les chagasses. J'ai d'oublier mais le passé laisse des traces. C'est pour ma team, on est la perdasse. Je fais du rap et c'est une évidence. Quand le rond-point accélère, shit dans la Vago. C'est toi le plug, moi c'est la rallonge. Une fois que je décélère, faut bien que tu m'arranges. Je passe du jaune au bleu pour que je démarre. Mes limites, même sous gros jackman. Ça s'illumine, je laisse mes hops à terre. C'est pas moi, c'est la rue qui fait que je suis sectaire. Fais tirer deux quand la goutte s'éterne. Je me fais péter sans permis. J'sais même pas ce qu'ils m'ont dit. J'vais donner ma carte grise, y'a du shit dedans. J'arrive en i, ça va le faire. Sous vous, tu jures Dieu, ça va le faire. Les tranchées, la survie, les hop, les affaires. I, c'est qui? I, c'est des sous-hommes. Les mêmes sentiments pour toi que pour la drogue. J'ai les deux pieds dans la merde, vue sur la mer. Ma vie est un chantier, mais je le fais à fond. Normal, je mets un Y normal. Dans mon 1-3, c'était droit d'entrée, je découpe, c'est facile. Marseille, ma ville bouillante, les fascines. Des balles glacées viendront te refroidir. Triste à dire, mais la morale est partie. Bande à part tard le soir quand j'écris. Dans ma bulle, je cogite, je repense aux oubliés. La vie va vite, sois précis. Donne pas de ton temps avant il t'oublie. Le passé, je suis dans la DeLorean en attente de 2-3 billets. Je vise le sommet, n'écoute pas si t'es pas fan. J'ai mis du kérosène dans mes projets. Je peux pas tomber en panne, faut qu'à ceux qui croyaient pas en mes lines. Souvent seul j'attends le succès, je ride. Je fais monter que mes rats, loyal qui dérape. Pour Gaval, tout le monde à la dalle, ça redescend des kills venus de la capitale. C'est nous les capitaines, t'as pas compris ou bien faut que je récapitule. T'as pas compris ou bien faut que je récapitule. J'ai taffé sur le terrain, moi j'ai fait mes thunes. Maintenant je suis dans la zig, je fais des tubes. Je me voyais pas finir sur iTunes. De faire des trucs de malade. Pour l'amour, pour la daronne, moi je veux un palace. Tout lui donner, ma chérie veut que je l'emmène en balade. Tout ça pour, faut que je pète une équipe, t'as de malade. Pour ça pour. Ouais, et daddy on t'a dit. Ici ça rafa comme Napoli. Sur le terrain je suis méchant mais poli. Moi, pour tout mais dis rien à la police. C'est froid comme le métal. Le hop c'est à terre, il a trop parlé. Sortez les guitares. Ça détaille la peau froide de Bob Marley. Gros c'est la vie comme même. C'est la bringue et ensuite l'hôtel. Pas d'amour, pas de love cocktail. Et des bitches en maths, t'es dans la fontelle. Dans le bloc on fait toujours les hommes. D'or et platine dans la zone. J'ai passé tout mon temps à zone. Et très organisé dans la zone. Ya, yeah, jaloux, félicite, pas ici, j't'élimine. J'suis la lueur dans le noir, j't'illumine. Y'a les stars, j'suis le vide, tous mes cailles vont les fils. Et les peines de prison défilent. Restez tranquille, faites pas les camps. À l'heure de la perquis, ça sort du balcon. Trop traîtrise, c'est ma hantise. Décapé Pépite-moi toutes ces têtes de gants, ça charbonne. Rien que la bonne, foutu parano, ça coupe les ponts. Trop traîtrise, c'est ma hantise, tu vas finir avec deux balles dans le caissant. J'aime la rue, je veux pas finir SDF. Tu reconnais la griffe, style, clic REF. Marseille, Wahed, l'état, mal vu par l'état. Chez nous, la guitare est une arme métal. Pour mon rien d'origine, avec un pseudo-rital. Qu'on finisse dans le jean, ça devient vital. Savoir est une arme, c'est pas dans le cital. Soit les jeunes, on se croisera à l'hôpital. Centre-ville au quartier nord, c'est la même merde. C'est insulté, tout est mort, t'es déjà vénère. Depuis moi, me surveille de loin par la bonne mère. Et de voir tous ces fachos, cela m'énerve. Y'a plus de mort naturelle, on enterre les péchés comme on enterre les morgues. À bas la haisse, tout le monde est de mèche. Génération mafiosa. Y'a que sur la menace que la pérenne. Cocaïne comme Montana. Testarossa. Marseille aux âmes. Y'a les meneurs et puis y'a les suiveurs. Y'a les gros bandeurs qui comptent pour du beurre. Gloire et honneur, canine à nord. Force et terreur, personne on adore. On sait qui on aime, mais pas d'eux-mêmes. Qui rend les liens, on revient vers les siens. La vie devient ce que l'on fait. Que du papier, ghost. Premier verset à l'encre de sang. Depuis le berceau, vécu de poissard. Je souhaite à personne, juste en rassa. Qui la joue perso, que de passage. Fusil d'assaut, pied du hasi. Tout pour la somme, pas de relation. Que des assos, que des cassos. Dans ma nation, Nicolas Sol. Nicolas Sol. Ni de rose, ni de carrosse. Tu finis cachot sous sol. Cachot sous sol. Tu connais le tarot, index et tu nous carottes. Index. Tu t'enflammes en tarose, on te laisse sur le carreau. Homme de parole, vêtu de noir, j'apparais à la Jack Sparrow. Noir tous les jours comme si j'étais en deuil. Pas les couilles du regard des gens, me méfie de ceux qui portent l'air. Quand tu es dans le bloc, loin de voir la vie en roche. Je ne suis que le fait de mon époque. J'aime l'argent, la drogue et les glock. Si j'étais riche, j'aurais jamais pris tous ces risques. J'aurais fait autre chose de ma vie. Maman me voyait chef d'entreprise. Si j'étais riche, j'aurais jamais pris tous ces risques. J'aurais fait autre chose de ma vie. Maman me voyait chef d'entreprise. Ne m'appelle pas le sang. En Beverly 400. Tu charges des gars 10 salettes, font Liban, palette de sang. Je rentre très tard la nuit, ça fait que des missions. On joue pas à Call of en mode zombie. En DP ou Prada, savoure à la slata. Ça dit plus qu'il y a un monstre, qu'il y a un tigre. Un Y la caplette au plan d'Ao. Discapé pour te faire du sale. Ouais, c'est bon, t'as fait les violets. Tu nous as zappé, tourné le dos pour la monnaie. Ouais, c'est l'homme qui fait la monnaie. C'est pas la monnaie qui fait l'homme, maintenant tu le sais. Avec le temps, c'est qui est le vrai, qui est le faux. Ça fait X temps que je leur dis que dans ce biz, y'a que des mythos, c'est ennemi d'état. Range ton métaux, en survêtement d'épée, dans tous les ghettos. Ça sort les armes, ça braque des temples, y'a plus de pardon entre petits et grands. Ça se fout des lois, ça se fout des règles, le mal est bien. Restons ma chien, on n'est pas Brooklyn, ni à Belfast, ni à Midlands. Sur la route du mal, on se fait la course, on se défie, on s'entretue. Pour la première place, ou pour le game, pour le game, on se marche dessus. Pour la première place, ou pour le game, on se marche dessus.